Précieux auditeurs, vous êtes bien sur la radio Jésus est Seigneur. C'est le programme en français de 17h, 5h de l'après-midi en Afrique de l'Est. Et ce programme recommence. En ce moment, le Seigneur nous parle beaucoup du ciel, du royaume de Dieu, du merveilleux et céleste et éternel royaume où le roi sera Jésus et pour l'éternité, le seul royaume qui existera dans le futur et pour l'éternité, avec Jésus pour roi, sans péché, sans maladie, sans douleur. Le futur qui nous attend si nous marchons dans l'esprit, si nous marchons en obéissance à notre Seigneur. Et le messager, le prophète le plus puissant du Seigneur, l'Élie, qui a été promis dans les deux derniers versets de l'Ancien Testament, celui qui vient avant que le jour du Seigneur, ce jour grand et terrible, avant que ce jour arrive, le Seigneur nous l'a envoyé. Il est parmi nous. Il nous prépare pour ce royaume éternel. Et nous avons avantage à écouter sa prédication, à recevoir celui que Dieu nous a envoyé. Maintenant, il a un message pour nous. C'est sur le Saint-Esprit. Et je m'empresse de vous le faire écouter après un moment d'adoration. Adorons le Seigneur et ensuite nous pourrons écouter ce message merveilleux sur le Saint-Esprit. Une adoration de Constance Hamann, que vous connaissez certainement. En toi j'ai trouvé le salut. Oh. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Voilà cette exhortation. Approchons-nous de ce grand Seigneur. Cherchons-le sans cesse. Cherchons sa face. Nous allons le voir face à face quand nous irons au ciel. Alors préparons-nous, soyons de ceux qu'il peut choisir quand il vient nous chercher, ce grand Seigneur. Maintenant, empressons-nous d'écouter sur le rôle du Saint-Esprit. C'est donc un message qui a été donné le 23 juin, très récent, et il y en a eu encore d'autres depuis. que nous allons écouter parce que c'est si précieux, le rôle du Saint-Esprit. I wanted to look at the role of the Holy Spirit. Ce soir, aujourd'hui et ce soir, je désire voir le rôle du Saint-Esprit. And I thought we could spend this time exploring a little bit on the Holy Spirit. Et j'ai pensé que nous pouvons passer ce temps à explorer un peu sur le Saint-Esprit. He that is very, very important to the church. Celui qui est très, très important pour l'Église and the role of the Holy Spirit et le rôle du Saint-Esprit in your Christian salvation, dans votre salut chrétien. Especially at this time when there is a humongous visitation, the latter visitation of the Holy Spirit, of the glory of God is taking place in the church. Et spécialement en ce temps où il y a une énorme visitation, la dernière visitation du Saint-Esprit, de la gloire de Dieu qui prend place dans l'Église. So there is no better time at which now to even delve deeper, to go deeper, to dig deeper into understanding. Il n'y a donc pas de meilleur temps où maintenant creuser plus profondément ou aller plus profondément dans la compréhension. The time, and most importantly, the visitation of the Holy Spirit. Le moment est plus important, la visitation du Saint-Esprit. And his role in the church. Why is he visiting the church? Et son rôle dans l'Église. Pourquoi est-ce qu'il visite l'Église? Now, right away from the book of John. Maintenant, tout de suite, du livre de Jean. John chapter 1. Verse 33. John chapter 1 verse 33 he says. Maintenant Jean chapitre 1 verset 33. Jean chapitre 1 verset 33 il dit. And now I read from NIV. John, the book of John chapter 1 verse 33 says. Jean, l'évangile de Jean chapitre 1 verset 33 il dit. And I myself did not know him. Et moi-même, je ne savais pas que c'était lui. But the one who sent me to baptize with water told me. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit. The man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. L'homme sur qui tu vois l'Esprit descendre est resté et celui qui baptisera du Saint-Esprit. Again, and I myself did not know him. À nouveau, et moi-même, je ne le connaissais pas. But the one who sent me to baptize with water, that means the Father, God the Father, told me. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, ce qui veut dire le Père, Dieu le Père m'a dit. The man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre est resté et celui qui baptisera du Saint-Esprit. And so this is very powerful because he's saying that right from the beginning, right from the onset, you can clearly see. Et donc ceci est très puissant parce qu'il dit, juste du commencement, juste du début, that the Holy Spirit, when he was sent to the church, le Saint-Esprit, lorsqu'il a été envoyé à l'Église, we know very clearly that he brought Christ Jesus the Messiah. Nous le savons très clairement qu'il a amené Jésus-Christ le Messie. And he incarnated Christ Jesus the Messiah. Et il a incarné Jésus-Christ le Messie. He brought him, in other words, in human form, God become man to come and deliver man. Il l'a amené En d'autres termes, dans une forme humaine, Dieu est devenu homme pour venir et délivrer l'homme. He came down here as a stranger, as a sojourner. Il est venu ici en bas comme un étranger, comme en séjour, to be able in that short time here, pour être en mesure, dans ce court temps ici, to deliver mankind, to save mankind, de délivrer l'être humain, de sauver l'être humain. And so, he became the savior of all men. Et donc, il est devenu le sauveur de tous les hommes. And then, we are also aware that the church, when it was now time to bath out the church. Et alors, nous sommes aussi au courant que l'Église, quand c'était maintenant le temps de faire naître l'Église, after the Lord Jesus Christ had completed the beautiful triumphant work on the cross, après que le Seigneur Jésus-Christ ait eu complété l'œuvre magnifique, triomphante de la croix, and achieved victory, attained victory, and he took victory, et achevé la victoire, atteint la victoire, et il a pris la victoire, victory over sin and death, la victoire sur le péché et la mort, and then he ascended on high, et ensuite il est monté dans les hauteurs. So when it was now time to bath out the church, he told them not to leave Jerusalem. Quand donc c'était maintenant le temps de faire naître l'Église, il leur a dit de ne pas quitter Jérusalem. Until the Holy Spirit has come. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu. And so, on the day of Pentecost, when the Holy Spirit does descend. Et donc, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend, the Holy Spirit, if you read Acts chapter 2, when the Holy Spirit descends, when he descends, le Saint-Esprit, si vous lisez Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend, quand il descend, the book of Acts chapter 2, le livre des Actes chapitre 2, quand il descend, when he descends, then he is able for the first time, alors, il est en mesure, pour la première fois, to bath out the church, d'amener au monde l'Église. So the church was bathed out by the Holy Spirit from on high. Aussi, l'Église est venue au monde par le Saint-Esprit, d'en haut. So the church is heavenly. The church is built from heaven. The Messiah that came to deliver the church came from heaven. L'Église, donc, est céleste. L'Église est construite des cieux. Le Messie qui est venu délivrer l'Église est venu des cieux. And after he completed his work, when it was time now for the church to be bathed out. Et après qu'il ait délivré l'Église, quand ça a été le temps maintenant de mettre au monde l'Église, the church to be inaugurated. Pour l'Église être inaugurée, then you hear when the day of chapter 2 of the book of Acts. Ensuite, vous entendrez au chapitre 2 du livre des Actes. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Quand le jour de Pentecôte est venu, ils étaient tous ensemble à un endroit. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Tout à coup, un bruit comme le souffle d'un vent violent est venu des cieux et a rempli toute la maison. The whole house where they were sitting. Toute la maison où ils étaient assis. He says, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Il dit, ils ont vu ce qui ressemblait à des langues de feu qui se sont séparées et sont venues pour rester sur chacun d'eux. Verse 4, the book of Acts chapter 2, he says. Au verset 4 du livre des Actes chapitre 2, il dit, all of them were filled Holy Spirit and began to speak in other tongues. Tous ont été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler en d'autres langues. As the Spirit enabled them. Comme l'Esprit le leur permettait. So you understand, enabled them, prompted them, caused them to speak. Vous comprenez donc, le leur permettait, les poussait, les amenait à parler. Not that they started on their own, they effect what? No, as the Spirit enabled them, verse 5. Non pas qu'ils ont commencé d'eux-mêmes, les faits, quoi, non, comme le Saint-Esprit les habilitait. Verset 5. Now, they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under the heaven. Maintenant, des Juifs craignant Dieu séjournaient à Jérusalem, de toutes les nations sous le ciel. And he says, when they heard this sound, a crowd came together in bewilderment. Et il dit, quand ils ont entendu ce bruit, une foule est venue ensemble, saisie de stupeur. Because each one heard their own language being spoken. Parce que chacun d'eux a entendu sa propre langue être parlée. Utterly amazed, verse 7, they asked, aren't these who are speaking Galileans? Dans leur étonnement, ils ont demandé, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans notre propre langue? Parthians, Medes and Elamites, Parthes, Mèdes et Élamites, résidents de Mésopotamie, Judée, and Cappadocia. Ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, Pontus and Asia. Le Pont et l'Asie, Phrygia, Pamphylia. It says, Egypt and the parts of Libya. La Phrygie ou la Pamphylie, il dit l'Égypte et une partie de la Libye. Then it says, near Cyrene. Ensuite il dit près de Cyrène. Visitors from Rome, both Jews and converts from Judaism. Visiteurs de Rome, tous les deux juifs et convertis au judaïsme. Cretans and Arabs. De la Crète et de l'Arabie. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Nous les entendons déclarer les merveilles de Dieu dans notre propre langue. Amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? Étonnés et perplexes, ils se sont demandés les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire? Some, however, made fun of them and said they have had too much to drink. Certains, cependant, se sont moqués d'eux en disant, ils ont trop bu. Then Peter stood up, verse 14, with the 11. Alors, Pierre s'est levé avec les 11. Raised his voice. And addressed the crowd. That's the first inaugural speech right there. Il a élevé la voix et s'est adressé à la foule. C'est le premier discours inaugural, juste là. Fellow Jews, all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Vous, les Juifs, tous d'entre vous qui vivez à Jérusalem, laissez-moi vous expliquer ça. Écoutez attentivement ce que j'ai à dire. These people are not drunk, as you suppose. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. It's only 9 in the morning. No, this is what was spoken by the prophet Joel. Il est seulement 9 heures du matin. Non, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. In the last days, God. I'll pour out my spirit on all people. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous les gens. Your sons and daughters will prophesy. Vos fils et vos filles prophétiseront. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Les jeunes gens auront des visions. Vos hommes âgés auront des songes. Even on my servants, both men and women. Même sur mes serviteurs, hommes et femmes, I will pour out my spirit in those days. and they will prophesy, I'll show wonders in the heavens above. Je répandrai mon esprit en ces jours, et ils prophétiseront, je ferai des miracles dans les cieux, là-haut. And signs on the earth below, blood and fire, billows of smoke, the sun will be turned all the way down. But what am I saying here? Et des signes sur terre, ici-bas, du sang et du feu, des colonnes de fumée, et le soleil, tout le chemin jusqu'en bas. Mais qu'est-ce que je dis ici? The reason I bring you that scripture in the book of Acts chapter 2 is to make you understand that right from the beginning, la raison pour laquelle je vous ai amené ce texte dans le livre des Actes, chapitre 2, c'est pour vous faire comprendre que juste du commencement, the role of the Holy Spirit is that, number one, he brought Christ the Messiah. Le rôle du Saint-Esprit est que, numéro un, il a amené Jésus-Christ le Messie. The Holy Spirit is the one who incarnated Christ the Messiah. Le Saint-Esprit est celui qui a incarné Christ le Messie. And he brought Christ the Messiah in the human form. God became man. Et il a amené Christ le Messie dans une forme humaine. Dieu est devenu homme. So that he may come and deliver the church, deliver humanity. Il peut donc venir et délivrer l'Église, délivrer l'humanité. But now you see, mais maintenant, vous voyez the role that he plays upon the triumphant resurrection of Christ the Messiah. Le rôle qu'il joue sur la résurrection triomphante du Messie. When now the church is to be bathed out, the Holy Spirit is the one that came and bathed out the church. Maintenant que l'Église a été mise au monde, le Saint-Esprit est celui qui est venu et qui a mis au monde l'Église. So, the second role of the Holy Spirit this night. Et donc, le second rôle du Saint-Esprit ce soir. And I'm going to run through the different purposes, services, different jurisdictions that the Holy Spirit holds. Et je m'en vais aller à travers les différents buts, services, les juridictions différentes que le Saint-Esprit détient. Today, and then I'll narrow down to one of them. Aujourd'hui, et ensuite, j'en spécifierai un. So we can get a little deeper. So you see that he brought us Christ. Nous pouvons donc aller un peu plus profondément. Aussi, vous voyez qu'il nous a amené Christ. At Bethlehem, and then now time to bath out the church. À Bethléem, et ensuite maintenant, c'est le moment de mettre au monde l'Église. The church now to be bathed out, inaugurated. You see that the church was designed in heaven. Que l'Église maintenant soit sortie, inaugurée. Vous voyez que l'Église a été conçue aux cieux. And the Savior of the church came from heaven and went back to heaven upon accomplishing of his task. Et le Sauveur de l'Église est venu des cieux et il est retourné aux cieux après avoir accompli son œuvre. Once he successfully defeated death and locks the gates of hell and Hades, he goes back to heaven. Une fois qu'il a eu vaincu la mort avec succès et fermé la porte de l'enfer et du séjour des morts, il est retourné aux cieux. So, the design, the plan for the redemption of man. Aussi, la conception, le plan pour la rédemption de l'homme. Always takes place in heaven. It's always designed in heaven. A toujours lieu aux cieux. C'est toujours conçu aux cieux. Even this second rescue, you can all see that it's designed from heaven. Même ce second sauvetage, vous pouvez tous le voir. Il a été conçu aux cieux. This second deliverance that is taking place now to restore the church. Cette seconde délivrance qui prend place maintenant pour restaurer l'Église. That she may not miss the glorious eternity Jesus purchased for her at the Calvary cross. Pour qu'elle ne manque pas l'éternité glorieuse que Jésus a achetée pour elle à la croix du Calvaire. But number two, you see that when it's time now, part of the church, the Holy Spirit has to come. He says, do not leave Jerusalem. Au numéro 2, vous voyez que quand c'est le moment maintenant de faire naître l'Église, le Saint-Esprit doit venir, il dit, ne quittez pas Jérusalem. Do not leave Jerusalem in chapter 1 of the book of Acts. Do not leave Jerusalem. Ne quittez pas Jérusalem dans le chapitre 1 du livre des Actes. Ne quittez pas Jérusalem. Until power has come to you from on high. Jusqu'à ce que l'heure soit venue à vous d'en haut. Acts chapter 1 verse 4. Actes chapitre 1 verset 4. It says, do not leave Jerusalem until the advocate has come, the Holy Spirit has come. Il dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que l'avocat soit venu, le Saint-Esprit soit venu. Again, the book of Acts, chapter 1, verse 4, it says, à nouveau, le livre des Actes, chapitre 1, verset 4, il dit, after suffering, he presented from verse 3. After suffering, he presented himself to them. Dès le verset 3, après avoir souffert, il s'est présenté lui-même à eux. And gave many convincing proofs that he was alive. Et il leur a donné plusieurs preuves convaincantes qu'il était vivant. He appeared to them over a period of 40 days. Il leur est apparu pendant une période de 40 jours. And spoke about the kingdom of God, very powerful. Et leur a parlé du royaume de Dieu, très puissant. He spoke to them about the glorious kingdom of God. Il leur a parlé du glorieux royaume de Dieu. The work he had just accomplished in purchasing men for. L'œuvre qu'il venait d'accomplir en rachetant l'homme pour le royaume de Dieu. Verse 4 says, on one occasion while he was eating with them, he gave them this command. Au verset 4, il dit, en une occasion, quand il mangeait avec eux, il leur a donné ce commandement. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez le don que mon père a promis, dont vous m'avez entendu parler. So, John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Donc, Jean baptise d'eau, mais dans quelques jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. So you see, even the church, at the time before the Holy Spirit has arrived. Vous voyez donc, même l'Église, au temps avant que le Saint-Esprit soit arrivé, he told the disciples that look, you cannot go and execute the commission of the church, the mission of the church, the purpose of the church. Il a dit aux disciples, voyez, vous ne pouvez pas aller et exécuter la mission de l'Église, le but de l'Église. You will only do so when the Holy Spirit comes on you. Vous le ferez seulement quand le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et lorsque le Saint-Esprit vient, comme vous le voyez maintenant, dans le livre des Actes, chapitre 2, que nous venons de lire, then you see that now Peter is able to stand up and evangelize Jesus. Alors vous voyez que maintenant, Pierre est en mesure de se lever et d'évangéliser Jésus. And more than 3,000 at that time were converted. Et plus de 3,000 en ce temps ont été convertis. The first harvest, the first souls that turned into Christ came to the Lord. La première moisson, les premières âmes qui sont venues au Seigneur. So the second role, like I said, is that the Holy Spirit designed from heaven the design of the church. Aussi, le second rôle, comme je l'ai dit, est que le Saint-Esprit a conçu des cieux la conception de l'Église. And came and birthed out the church. So the church was actually created in heaven. Et il est venu et il a fait naître l'Église. L'Église donc a été vraiment créée aux cieux. And the Lord simply lowered the plan to mankind here. Et le Seigneur a simplement descendu le plan pour le genre humain ici. He lowered the agenda. The agenda of heaven placed it in the church, but it was designed in heaven. Il a descendu l'ordre du jour des cieux, placé sur l'Église, mais il a été conçu dans les cieux. And I say it even now when you look at the second mission that is going on by He that speaks with you now. Et j'ai dit que même maintenant, quand vous voyez la seconde mission qui est en cours par celui qui parle avec vous maintenant, you can see that there is a tight command from heaven. Vous pouvez voir qu'il y a un commandement serré des cieux. You can see that the Lord lowers them, you capture on camera from heaven. Vous pouvez voir que le Seigneur les descend, vous les captez sur caméra des cieux. Meaning this entire mission is designed and controlled. The mission control is in heaven. Ce qui veut dire toute cette mission est conçue et contrôlée. La mission de contrôle est dans les cieux. The agenda is now deposited in the church. L'ordre du jour est maintenant déposé dans l'église. Be able to help humanity not to miss the eternal glorious kingdom of the Messiah. Pour être en mesure d'aider l'humanité à ne pas manquer le royaume éternel et glorieux du Messie. So the second role, as we've seen, is now. Aussi, le second rôle, comme nous l'avons vu, est maintenant. To be able to birth out the church in the book of Acts chapter 2. Être en mesure de faire naître l'Église, livre des Actes chapitre 2. Now the third purpose, the third function of the Holy Spirit, His role in the church. Maintenant, le troisième but, la troisième fonction du Saint-Esprit, son rôle dans l'Église. The Lord Jesus says, in the book of John chapter 14. Le Seigneur Jésus dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verse 18, He comes as a comforter, a peace bringer. He brings peace. Verset 18, Il vient comme un consolateur, quelqu'un qui apporte la paix. Il apporte la paix. John chapter 14, John 14, blessed people, He brings peace. Jean, chapitre 14, Jean 14, Peuple béni, il apporte la paix. The Holy Spirit brings peace. Again, let me open with you John chapter 14. Le Saint-Esprit apporte la paix. À nouveau, laissez-moi ouvrir avec vous Jean chapitre 14. The Holy Spirit brings peace. Le Saint-Esprit apporte la paix. John 14. John chapter 14, if you go down to verse 18. Jean 14. Maintenant, Jean chapitre 14, si vous descendez au verset 18. He says the following. Il dit ce qui suit. He says, I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Because I live, you also will live. Parce que je vis, vous aussi, vous vivrez. Again, I will not leave you as orphans, I'll come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, I'm alive. Because I live, you also will live. À nouveau, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vis, je suis vivant. Parce que je vis, vous aussi vivrez. On that day, you will realize that I am in the Father, and you are in me, and I am in you. En ce jour, vous réaliserez que je suis dans le Père, et vous êtes en moi, et je suis en vous. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. And on. So what does he say here? He says, et encore, que dit-il donc ici? Il dit, He is not going to leave them orphans, to leave the church orphaned. Il ne va pas les laisser orphelins, laisser l'église orpheline. He is not going to leave the church alone without care. Il ne va pas laisser l'église seule, sans soin. But he would send the Holy Spirit as a comforter. Mais il enverra le Saint-Esprit comme consolateur. And to bring peace to the church, to their hearts. Et pour apporter la paix à l'Église, à leur cœur. The fourth role of the Holy Spirit. Le quatrième rôle du Saint-Esprit. Still the same John 14, verse 27, you can see. Dans le même Jean 14, verset 27, vous pouvez le voir. Verse 27, he says. Verset 27, il dit. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. So in 27, you see, when he said, you will leave a comforter. Aussi, au verset 27, vous voyez, quand il dit qu'il laissera un consolateur, then in verse 27, he says, that comforter becomes your peace. My peace I live with you. Ensuite, il dit, au verset 27, ce consolateur devient votre paix. Je vous laisse ma paix. So the Holy Spirit comforts the church. And the fourth role that he brings peace to the church. Aussi, le Saint-Esprit console l'Église. Et le quatrième rôle est qu'il amène la paix à l'Église. When you look at verse 26, quand vous regardez le verset 26, you still see other functions of the Holy Spirit in the church. His mandate, his jurisdiction and mission to the church. So verse 26, the mission of the Holy Spirit. Vous voyez encore d'autres fonctions du Saint-Esprit dans l'Église. Son mandat, sa juridiction et mission pour l'Église. Aussi, au verset 26, la mission du Saint-Esprit. He says, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Il dit, mais l'avocat, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. That is very powerful. In other words, ça c'est très puissant. En d'autres termes, we remember John chapter 1:33 I read. Vous vous souvenez Jean chapitre 1:33 que j'ai lu. When he said, I myself did not know him, except that he who sent me to baptize with water, meaning God the Father. Quand il a dit, moi, je ne le connaissais pas, sauf que celui qui m'a envoyé pour baptiser d'eau, ce qui veut dire Dieu le Père. Meaning I come from the throne of God, I come from God the Father, I come from God. Ce qui veut dire, je viens du trône de Dieu, je viens de Dieu le Père. Je viens de Dieu. And he told me that the one on whom you see the Spirit descends. Et il m'a dit, celui sur qui tu vois l'Esprit descendre. The Holy Spirit descends like a dove. Le Saint-Esprit descend comme une colombe. A white dove, a huge white dove, at the Jordan River. Une colombe blanche, une énorme colombe blanche au fleuve du Jourdain. And remains. Meaning light on him, meaning settle on him, meaning overshadow him, cover him. Et reste, ce qui veut dire clair sur lui, ce qui veut dire se pose sur lui, le couvre. That is the one that will baptize with fire, with the Holy Spirit and fire. C'est celui qui baptisera de feu, de Saint-Esprit et de feu. The Messiah is coming, blessed people. Le Messie vient, peuple béni. Thank you. Toda shalom. Merci, merci. La paix vous soit. Précieux auditeurs, vous voyez, cet enseignement sur le rôle du Saint-Esprit, combien c'est précieux d'examiner la parole de Dieu à la lumière de ce que l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, une onction tellement forte que beaucoup de miracles se produisent par son ministère. Et maintenant, il nous enseigne sur ce rôle du Saint-Esprit, qu'il connaît si bien, le Saint-Esprit qui vraiment vit en nous, puisque le Seigneur le dit, que nous sommes la maison du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vit dans nos corps. Et c'est si merveilleux d'apprendre que ce Saint-Esprit, il était annoncé déjà lors du baptême de Jésus. Voilà, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui lui nous amène le Saint-Esprit, qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui a commencé l'Église à Pentecôte, c'est là où le Saint-Esprit s'est manifesté pleinement, publiquement, où 3000 sont venus au Seigneur, là, ceux qui étaient réunis dans la chambre haute. Et des langues de feu se sont mises sur chacun de leurs têtes, eux qui étaient sans culture, sans avoir étudié, qui ne savaient peut-être même pas lire, eh bien, ils ont parlé les langues de ceux qui étaient de divers endroits. Ils ont pu entendre leurs différentes langues par ces hommes qui étaient sans culture, qui tout à coup ont parlé par la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit les a fait parler, les a rendus capable de parler. Et ce Saint-Esprit qui vient parmi nous, qui est parmi nous maintenant. Le Saint-Esprit dit à Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Dieu est devenu homme pour délivrer l'homme. Nous étions des pécheurs. Il est devenu le sauveur de tous les hommes. Et dans Acte 2, on voit l'arrivée du Saint-Esprit sur terre. L'Église a été construite d'en haut, des cieux, comme le Saint-Esprit les habitait. Ils n'ont pas commencé par eux-mêmes. Il a amené Jésus. Il est venu libérer l'Église, la faire naître. C'est cette seconde, il y a cette seconde délivrance qui maintenant est parmi nous, ce messager de la seconde délivrance, le prophète le plus puissant du Seigneur, il a cette mission de restaurer l'Église, d'en faire une Église sainte que le Seigneur pourra prendre, qui pourra honorer le Seigneur, qui sera digne de son Seigneur, qui sera mature. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, lui qui n'avait pas étudié la théologie, il peut donner ce premier discours de l'Église, ce discours qui a amené 3000 personnes au Seigneur dans l'Église. 3000 nouveaux convertis en un seul jour parce que le Saint-Esprit s'est manifesté à cause de l'onction du Saint-Esprit qui était sur Pierre. 3000 ont pu recevoir le Seigneur. Maintenant, adorons pour un moment. Et ensuite, ceux qui désirent recevoir le Seigneur, vous pouvez vous préparer et nous allons prier pour que vous puissiez passer des ténèbres à la lumière. Chantons pour le Seigneur et ensuite, nous pourrons prier. Tu es grand. Le chant, tu es grand pour le Seigneur. Nous allons écouter ce merveilleux cantique d'adoration. Et tout en main, j'élève mes mains pour t'adorer, et je bénis ton saint nom, tu mérites la gloire. Et tout en main, j'élève mes mains pour t'adorer, et je bénis ton saint nom. Car tu es grand, tu fais le si grand miracle, il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais le si grand miracle, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Et tout homme, j'ai l'air je bénis ton sein. Tu mérites et tout en elle. De Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Bien-aimé, le temps passe et nous allons prier pour recevoir le Seigneur et ensuite je vais vous rappeler le 28 juillet, réserver cette date du 28 juillet. Bien sûr, si vous avez l'opportunité de venir, ce serait vraiment béni de participer à cette parole de Dieu, l'explosion de la parole, là dans ce parc de Nairobi, où le Saint-Esprit sera présent, où le Seigneur certainement nous visitera, comme c'est presque chaque fois. Alors si vous pouvez réserver ce jour, au moins, pour suivre avec nous, certainement ce sera traduit en français, peut-être que même depuis chez vous, vous pourrez suivre, au moins en anglais. Mais peut-être aussi, vous aurez ce privilège d'avoir la traduction française. Alors maintenant, ceux qui désirent donner leur vie au Seigneur, nous voulons prier. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui pour que tu me pardonnes mes péchés. Vous pouvez répéter. Seigneur, je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur, et mon Roi pour l'éternité. Aujourd'hui, je suis né de Dieu, né de nouveau, une nouvelle création. Je laisse le péché pour marcher avec mon Seigneur, et l'honorer, et le suivre, et je crie au Saint-Esprit de m'aider. pour que je sois fort de Dieu, rempli de l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Et prenez le baptême d'eau. Vous mourrez avec Christ. Vous laissez vos péchés, votre ancienne vie au fond de l'eau et vous ressuscitez. Comme Christ est ressuscité, vous ressuscitez avec lui en homme, en femme, nouveau, nouvelle, pour honorer le Seigneur et marcher avec lui jusque dans l'éternité et pour l'éternité avec pour roi le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle pasteur Yvonne Auguet. Je me réjouis de pouvoir vous parler à nouveau. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Viens les plus sages.